fenêtre au septième ciel, et je leur ferai couler une bielle. Croyez-moi bien, l'amour est dans mon pré. Avec Jean Destrée et ses joyeux lurons. 13h24 minutes à la pendule de Radio Arc-en-Ciel. Très belle pendule d'ailleurs, je le signale. Si je pouvais vous la montrer, vous seriez ravis. Une dédicace de la part de Gaëtan de Ferrol pour la famille Roustin, sans oublier Johan, pour l'animateur. Merci et puis bon après-midi à vous à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel. On écoute Jean Destrait et ses joyeux lurons. Petite erreur de ma part, je m'en excuse, je crois qu'il y a un petit problème. Je vous demande 10 secondes. Oui, il y a un petit problème, même un gros problème. Bon, on va rectifier tout de suite. Voici donc Joe Destruit. Et on continue avec une autre dédicace. C'est Cyril Renaud et ça s'intitule Au plaisir des bois. Et c'est de la part de Mamie Geneviève pour Simone et pour l'animateur. Merci et bon après-midi à tous et à toutes. À l'écoute d'Arc-en-Ciel, bien évidemment. Continue en accordéon, bien évidemment, on va changer de région, on va quitter un petit peu l'Auvergne, puis le centre de la France, on va repartir en Bretagne avec les plus belles chansons du peuple breton. On écoute une partie tout de suite. T'es fier, Nous sommes fiers de vous. Fiers de ce que vous faites chaque jour pour nous. Eh bien, c'était donc une belle chanson bretonne. On va changer de région, mais pas loin. On va aller en Normandie avec Émilie Okorfa. Et Émilie Okorfa va nous interpréter La Yayette, c'est connu. Le grand Pierre, il se lève, prend son chapeau de sous son bras chez la yéyette. Il s'en va, prend son chapeau de sous son bras chez la yéyette. Il s'en va. Bien sûr, il va nous en apporter une autre. Et la suivante, c'est mon beau Saint-Hilaire du Harcouët. C'est dans la basse Normandie, aux environs d'Avranches, que l'on passe gaiement la vie. Dans ce coin de la Manche, on y boit le cidre doux qui enlumine les joues et met la joie dans tous les cœurs. La personne n'est morose avec le petit calvados qui se prend à toutes les heures. Vive mon beau Saint-Hilaire du Harcouët, où nos grands-mères jadis filaient au roué. Je te contemple près de la cellule quand je m'y rends avec ma jolie prune. Ou bien encore, si la belle saison vient m'inviter à pêcher dans les ronds. À l'approche de Saint-Hilaire, on voit de toutes les routes se dresser son beau sanctuaire qui annonce sans doute qu'il s'agit bien de la ville si renommée à Granville pour son beau site sans pareil. Aussi allongeons le pas afin d'arriver là-bas avant le coucher du soleil. Vive mon beau Saint-Hilaire du Harcouët, où nos grands-mères jadis filaient au roué. Je te contemple près de la cellule quand je m'y rends avec ma jolie brune. Ou bien encore, si la belle saison vient m'inviter à pêcher dans les ronds. De Saint-Martin, la grande foire est toujours attendue. On espère y danser, boire à l'ombre des avenues. Les manèges font fortune même après le clair de lune, car on reste tard dans la nuit. La jeunesse un peu volage fait des projets de mariage en s'écartant de tout le bruit. Vive mon beau Saint-Hilaire du Harcouët, où nos grands-mères jadis filaient au bruit. Je te contemple près de la cellule quand je m'y rends avec ma jolie brune. Ou bien encore, si la belle saison vient m'inviter à pêcher dans les ronds. Les distractions à Saint-Hilaire sont vraiment appréciables. Ayant tout ce qu'il faut pour plaire, après une bonne table, puisqu'il y a le football et aussi le basketball, quand on ne va pas au cinéma. On trouve aussi un tennis sur un terrain, des plus lisses, c'est donc suffisant avec ça. Vive mon bon Saint-Hilaire du Harpouis, où nos grands-mères jadis filaient ton bruit. Je te contemple près de la cellule, quand je m'y rends avec ma jolie brune. Ou bien encore, si la belle saison vient m'inviter à pêcher dans les ronds. Alors vous savez que ce soir, nous sommes à l'auberge du Ménilrog. Chez Monsieur Cotentin, évidemment, Joseph Cotentin, la Normandie, le Cotentin, ça ne pouvait pas mieux tomber. On peut l'applaudir également, le remercier pour son succulent repas. Ainsi que pour le service. Enchaîner, c'est bon pour les danseurs et les danseuses, par Emilio Corfa. quand on a roulé sur la terre entière, on meurt d'envie de retour dans le train, le nez au carreau, d'ouvrir la portière et d'embrasser tout comme du bon pain. Ce vieux clocher dans le soleil couchant, ça sent si bon la France. Ces grands blés mûrs remplis de fleurs des champs, ça sent si bon la France. Ce jardinet où l'on voit chien méchant, ça sent si bon la France. À chaque gare, un murmure, en passant vous saisit. Paris direct, en voiture, ça sent bon le pays. De très humbles fleurs qui viennent d'éclore. Ce ne sont pas là le nom, le bouquet signé de la main de savants fleuristes, lié par des nœuds de rubans coquets, bouquet précieux, chef-d'œuvre d'artiste. Ce sont d'humbles fleurs, presque fleurs des champs. Mais ce sont des fleurs simples et sincères, des fleurs sans orgueil, au libre penchant, des fleurs du poète à deux sous pas chères. De cueillir en vain des baisers profanes. Quand quand j'ai croisé sur le grand chemin ma belle gitane. J'ai voulu la suivre un jour dans sa caravane. Comme un tzigane éperdu d'amour, je chante à mon tour. Bohémienne aux grands yeux noirs, les cheveux couleur du soir, et l'éclat de ta peau brune sont plus beaux qu'un clair de lune. Bohémienne aux grands yeux noirs, j'ai vibré d'un tendre espoir. Je voudrais que tu sois mienne, bohémienne. Elle, ne vois-tu pas que mon cœur ardent est sous ton empire, que sous tes pas j'implore, j'attends ton plus doux sourire. Les tarots de ton grand jeu n'ont pu te le dire, mais tu peux lire au fond de mes yeux ce plus tendre aveu. Bohémienne aux grands yeux noirs, tes cheveux couleur du soir, et l'éclat de ta peau brune sont plus beaux qu'un clair de lune. Bohémienne aux grands yeux noirs, j'ai vibré d'un tendre espoir. Je voudrais que tu sois mienne, bohémienne. On retrouvera tout à l'heure Emilio Corfa et son ensemble. Ensemble musical et chanteur et chanteuse. Chanteur, pardon. La plus belle romance, Mathieu Martini. Tout d'abord, il est presque non. On verra ça tout à l'heure dans 3 minutes. Un air qui me rappelle un souvenir d'autrefois, comme une histoire éternelle. Un lien qui n'en finit pas. Quand la mer se fait légère et que le soleil s'y noie, je t'ai vu dans la lumière, le bonheur qui dans tes pas. C'est un air qui vagabonde, tes cheveux blonds sous le vent. Lorsque ton parfum m'inonde, tu viens d'avoir 18 ans. Premier baiser sur la dune, premier câlin trop sucré, mon compagnon de fortune, l'amour peut bien s'installer. Elle s'en va vers le ciel, la plus belle romance, poursuivie par la chance, en cortège de fleurs, elle réchauffe les cœurs, la plus belle romance. En dessin de vacances, au crayon de couleur. Les amants, c'est un refrain qui raconte une légende, un roman, la joie vraie, une aventure, un beau souvenir d'antan. C'est un air qui me rassure, puisque tu es dans mes bras. Elle continue l'aventure entre nous deux, toi et moi. Sur les vagues vont tes danses, des oiseaux, des cerfs-volants, témoins de notre insouciance, d'un amour d'adolescent. Elle s'en va vers le ciel, la plus belle romance, poursuivie par la chance, en cortège de fleurs. Elle réchauffe les cœurs, la plus belle romance, en dessin de vacances, au crayon de couleur, au crayon de couleur, au crayon de couleur. 14h01, pardon, et on va écouter un peu de publicité. Arc-en-ciel, des étoiles plein la tête. Avec Arc-en-ciel, voici les bons plans de la passerelle. Arc-en-ciel, ta radio soleil, dès 7h avec Francky. Je me suis légèrement trompé, ce ne sont pas les pubs, mais ce sont des jingles, voilà. On va continuer avec l'accordéon, bien évidemment. On en était arrêté à Julie Larousse, et puis on continue. terminé avec Emilio Corfa, comme on a débuté, je crois. Hymne à Emilio. Fin de la semaine, pour se refaire une santé, nous avons un remède, nous allons vous le confier. Entre amis, on se retrouve pour chanter et danser avec un super copain que nous aimons bien. Emilio, Emilio, tra-la-la-la-la. Emilio, Emilio, tra-la-la-la-la. Emilio, Emilio, tra-la-la-la-la. Pas de manière, on vient pour s'amuser. Tous les gens du village s'invitent sans hésiter. Quelle que soit la distance, on est sûr de l'ambiance. Aussi pour le remercier, nous allons tous l'appeler. Eh bien voilà, donc un petit adieu provisoire, si j'ose dire, à Emilio Corfa. Eh bien, puisque nous sommes une radio d'origine portugaise, je dis bien d'origine, on va écouter Luis Godinho des Paso Doble en accordéon. À l'accordéon, bien sûr. Alors on part pour le Portugal, même pour la France, et on écoute Luis Godinho. vient d'écouter donc Luis Godino. Je vous rappelle, à titre indicatif, d'abord l'heure, 14h18, je vous rappelle les horaires provisoires de Radio Arc-en-Ciel en ce qui concerne mes émissions. Pas d'accordéon le samedi et le dimanche de 13h à 15h30. C'est donc l'accordéon pur et musette et l'accordéon de nos régions. Et le lundi de 14h à 16h sera cocktail coloré, chanson et peut-être un peu d'accordéon. Voilà. Pour ceux qui aiment l'accordéon, je pense que vous êtes servis. On va continuer avec René Rollier. 40 ans dans les balles musettes. La vie passe vite, nom de nom, en jouant sur mon accordéon. J'ai dû faire 100 fois le tour de France, le public c'est ma récompense. Et j'espère encore faire, je l'avoue, un bout de chemin avec vous. Dès mes 10 ans, haut comme 3 pommes, je rêvais déjà de privas, de prud'hommes. Et d'aller jouer autour de la terre, des passe-dobles et des valses populaires. 10 ans plus tard, j'ai commencé à jouer dans toutes les régions. Un jour à Brest, l'autre à Dijon, j'ai fait tourner des danseurs par millions. 40 ans dans les bals musettes, j'ai toujours le cœur à la fête. La vie passe vite, nom de nom, en jouant sur mon accordéon. J'ai dû faire 100 fois le tour de France, le public c'est ma récompense. Et j'espère encore faire, je l'avoue, un bout de chemin avec vous. Comme j'aime le jeu avec le sport, j'ai voulu être au Guinness des records. Pendant 10 jours, sans m'arrêter, sur mon bignot, j'ai joué, c'est du bonheur de vous voir là, ami du club et des balles à papa. Le petit René vous dit merci, grâce à vous, elle est plus belle de la vie. 40 ans dans les balles musettes, j'ai toujours le cœur à la fête. La vie passe vite, nom de nom, en jouant sur mon accordéon. J'ai dû faire 100 fois le tour de France, le public c'est ma récompense. Et j'espère encore faire, je l'avoue, un bout de chemin avec vous. Et j'espère encore faire, je l'avoue, un bout de chemin avec vous. Le temps perdu ne pourra jamais se rattraper. Moi Moi je ne vois qu'une solution, danser sur un air de flonflon, car aujourd'hui c'est vous les rois et les champions. Point météo maintenant pour la région d'Orléans, bien évidemment. Alors demain lundi, nous serons le 15 juin. 15 juin, un peu de vent avec de la pluie. Mardi, de la pluie, peut-être même de l'orage. Lundi, j'ai oublié les températures, 15 l'après-midi, ah oui, c'est ça. Pour faire des missions pendant plus de 2 mois, voilà, on perd. 15 l'après-midi, 13 le matin, mardi, orage et dit, peut-être, 20 l'après-midi, 12 le matin, mercredi 17, de la pluie, avec 12 le matin, 19 l'après-midi, je crois qu'on est parti dans un certain temps de pluie, hein. Mercredi 17, donc, j'ai dit, jeudi 18, 12 et 19, de la pluie, vendredi 19, 12 et 20, de la pluie, samedi 20, 14 et 21 de la pluie, dimanche 21, ah, beau soleil, avec 12 et 22. Ah, il regrette beaucoup, hein, parce que lundi, il y aura du vent et de la pluie, avec 14 et 24. Mercredi 23, 15 et 23, temps couvert. Mercredi, plein soleil, avec 13 et 24. Je m'arrête pour l'instant, et on va faire le point. Si ça marche, on va essayer de faire une liaison comme on faisait fut un temps avec la chaîne météo et ce sera dans quelques instants le temps d'établir la liaison avec les studios de la chaîne météo dans les Yvelines. 20 degrés à Vendôme par exemple, 19 degrés à Romorantin, mais encore 20 degrés à Montargis. Suivez toute l'info météo sur mobile, TV et Internet. Alors là, on va le reprendre à zéro, si vous voulez bien. Parce qu'on a loupé le principal. La chaîne météo. Bon, je ne peux plus l'avoir. Si, il doit bien revenir quand même. Eh bien, écoutez, on l'aura tout à l'heure, hein, parce que je crois qu'on perd un petit peu de temps. Je pense qu'on ne l'aura pas tout de suite. Et déjà, on ne se fait pas. Patientons en musique, avec René Rollier. Les mimosas de Noirmoutier sont si jolies en février. Chaque année ça recommence, c'est ici comme en Provence. Tous ces bouquets pour le plaisir de ceux qui viennent les cueillir. Dans ce jardin magnifique d'une île de l'Atlantique, océan et continent. Il y aurait pas mal de nuages, voire même déjà quelques averses. Côté température, c'est tout à fait de saison, avec 13 degrés à Vendôme par exemple, ou bien encore à Bourges. Pour lundi après-midi, une instabilité qui va s'accentuer avec à nouveau des averses qui pourront même prendre un caractère orageux. le tout sous des températures qui resteront bien basses pour la saison, pas plus de 19 degrés à Tours par exemple, 20 degrés à Châteauroux ou bien encore du côté de Saint-Amand, on est 3-4 degrés en dessous des normales de saison. Pour mardi matin, peut-on espérer une amélioration ? Ah, ça restera un petit peu mitigé avec encore ces averses et ces pluies. On est toujours sous l'influence, cette dépression Nadine, elle ne va pas nous quitter de la semaine. D'où ces averses, ces pluies, dès le lever du jour, parapluie imperméable, bien utile pour affronter toutes ces précipitations. Il fera 12 degrés à Châteaudun, ou bien encore 13 degrés à Gien pour mardi après-midi. L'instabilité qui sera toujours aussi marquée après les pluies du matin. Ce sont les averses orageuses dont il faudra se méfier. Attention, risque de quelques chutes de grêle ponctuelles. Alors c'est vrai, entre les averses orageuses, vous pourrez comme bénéficier de quelques éclaircies, mais ça ne durera pas très longtemps. Côté température, ça reste toujours aussi bas. 19 degrés à Vendôme, par exemple, 19 degrés à Romorantin, ou bien encore 20 degrés à Montargis. La saison est déjà finie. Oui, la nature est faite ainsi. Les mimosas de Noirmoutier sont si jolies en février. Chaque année, ça recommence. C'est ici comme en Provence. Tous ces bouquets pour le plaisir de ceux qui viennent les cueillir. Dans ce jardin magnifique d'une île de l'Atlantique, comme une perle sur la mer, habillée d'or même en hiver, plus qu'en été vous les verrez. Alors venez et vous verrez. Si je vous ai donné l'idée de faire bientôt la traversée, pour cela vous avez le choix, soit par le pont ou par le bois. Les mimosas de Noirmoutier sont si jolies en février. Chaque année, ça recommence. C'est ici comme en Provence. Tous ces bouquets pour le plaisir de ceux qui viennent les cueillir. Dans ce jardin magnifique d'une île de l'Atlantique. Pour le plaisir de ceux qui viennent les cueillir dans ce jardin magnifique d'une île de l'Atlantique. Mardi dernier, nous étions le 9, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et une grande du folklore, je dis bien une grande, l'accordéoniste de folklore, fêtait ses 48 ans. C'est notre ami Sylvie Pudès. Alors Sylvie, je t'embrasse de loin, Radio Arc-en-Ciel, Michel. Et de la part de Christiane, et de moi-même bien sûr, on écoute Ma belle hirondelle. Bon anniversaire à toi. danse la valse comme une demoiselle. Ma belle hirondelle ramène l'amour, l'amour d'une belle qui m'aime toujours. Vole dans le ciel pour tous les amants qui vont au soleil chanter le printemps. Chaque belle cette fille, tant que l'hirondelle n'a pas eu ses brindilles. Ma belle hirondelle ramène l'amour, l'amour fou de celle qui m'aime toujours. Vole dans le ciel pour tous les amants qui vont au soleil chanter le printemps. J'ai trouvé parmi feuillage, la fille brune couchée sur le rivage. Mon cœur et mes yeux se sont penchés sur elle, avec une fleur portée par l'hirondelle. Ma belle hirondelle, merci pour l'amour et la vie de celle qui m'aime toujours. Vole dans le ciel pour tous les amants qui font au soleil leur vie au printemps. Et nous voilà sur pied, sans un coup de pinot noir il n'y a plus d'espoir. Du bon, c'est fin breuvage, c'est bon vin du terroir, qu'il soit rouge, qu'il soit blanc, ou même qu'il soit pétillant. Mes frères, buvons la qualité des vins du Mont-Saujonais. C'est bien vrai, amis, si vous passez dans le Mont-Saujonais, vous pourrez rencontrer ces braves chevaliers. Et s'ils tombent dans l'arrêt, ne vous effrayez pas, ils ont tous le vin gai, et ce sont de braves gars. Qu'ils soient rouges, qu'ils soient blancs, ou même qu'ils soient pétillants, mes frères, vivons la qualité des vins du Mont-Saujonais. C'est bien vrai. Soit blanc, ou même qu'il soit pétillant, mes frères, buvons la qualité des vins du Mont-Saujonais. C'est bien vrai, qu'il soit rouge, qu'il soit blanc, ou même qu'il soit pétillant, mes frères, buvons la qualité des vins du Mont-Saujonais. C'est bien vrai. ne suis que musicien. Je vais te faire rêver avec ce petit refrain que je t'invite à danser. Moi qui ne suis que baladin, je vais te faire voguer avec ce petit refrain. Madison Style, non c'est pas de la frime, même si c'est facile, le Madison Style. Et ben voilà, voilà ce que c'est que d'avoir un téléphone, et puis d'avoir quelqu'un qui parle beaucoup comme moi. Heureusement qu'on a évolué et là pour boucher le trou, comme dirait. C'est les aléines, salut les copines. Venez, je vous invite, on est tous amis, au Madison Style. C'est bon pour la livre, c'est un pas facile, le Madison Style. Oh oui, Madison Style, c'est bon pour la livre, c'est un pas facile, le Madison Style. Oh yeah! Madison Style avec René Grolier. Et on va continuer en musique, en accordéon, jusqu'à 15h30, il est 14h57. Minute. Enfant de tout pays. We'll be right back. succès successivement, Enfants de nos pays et Pépito. À l'instant même. 15h02 minutes de la pendule de Radio Arc-en-Ciel. On se quitte dans à peine dans 20 minutes. 28 minutes, exactement. On se retrouve demain, de toute façon, à partir de 14h. Ah, je me trompe dans les nouveaux horaires. À partir de 14h jusqu'à 16h pour Cocktail Coloré. Alors, j'ai une dédicace, c'est de la part de d'Anne-Marie pour l'animateur et de la part de l'animateur pour Anne-Marie. On reprend les anciennes paroles. Et là, c'est un peu osé, mais je l'ai sous la main, j'y peux rien. René Grelier, extrait de son album 40 ans de balle, Musette, et ça s'intitule « Besoin de rien, envie de toi ». Eh oui, c'est comme ça. On n'y peut rien. Je n'ai pas fait exprès. Hein. FM, la radio qui vous aime. Au bal de chez nous, Angélique Servan. amis sont arrivés. Du bonheur plein la tête, bientôt tout va commencer. Sous le ciel les vacances, la montagne s'est costumée. Entre la grâce et la chance, pour un jour d'éternité. On s'en va deux pas deux dans ces jours contre jour, au bal de chez nous. On a le cœur joyeux pour le grand rendez-vous au bal de chez nous. Ah, ce que c'est bien, ce que c'est bon d'écouter ce refrain au son de l'accordéon. Dans un bouquet de chansons, partir à l'unisson au vent de la passion. Les baisers sont sucrés, les rêves les plus fous au bal de chez nous. Écoutez ce refrain au son de l'accordéon. Dans un bouquet de chansons, partir à l'unisson au vent de la passion. Les baisers sont sucrés, les rêves les plus fous au bal de chez nous. Sur la place un dimanche, les tréteaux sont installés. Un vieux parquet en planche où les couples bien valser. Un tour à la buvette pour trinquer à ta santé, pour faire tourner la tête, t'inviter à tout danser. Eh bien voilà, on va passer le dernier quart d'heure qui nous reste, 15h13 passées de 13 minutes. Voilà, la vérité. On va écouter d'abord l'Espagnol Saint-Flour par Nicole Berges, et ensuite on va terminer l'émission avec quelqu'un de la région, de Cône-sur-Loire, de Cône, on dit court, Cône-sur-Loire, maintenant c'est nouveau. Ça vient de sortir. On a quelques années déjà. Hein. Et ce sera Daniel Roger. Et on débutera avec C'est nous. Avec nous, c'est la fête aujourd'hui. Nicole Berges, en attendant. C'était une Espagnole qui allait à Saint-Cloud. La vie n'était pas drôle pour y chercher l'amour. Elle se disait qu'en somme, y'a que chez les Auvergnats, qu'on trouve de beaux hommes, comme il n'y en a pas chez soi. Et pour danser la forêt auvergnate, elle se tortillait comme un asticot, se trémoussant avec des airs de chatte, comme si elle dansait le pandango. Avec ses airs de nonne, elle a guiché les gars, tout en ma basse nonne, de soir sur les remblas. Elle avait de son père son accent catalan, elle tenait de sa mère l'art d'avoir des amants. Et pour danser la pourrée auvergnate, elle se tortillait comme un asticot, se trémoussant avec des airs de chatte, comme si elle dansait le pandango. Se tortillait comme un asticot, se trémoussant avec des airs de chatte, comme si elle dansait le pandango. C'était une Espagnole qui allait à Saint-Cloud. La vie n'était pas drôle pour y chercher l'amour. Elle se disait qu'en somme, y'a que chez les Auvergnats qu'on trouve de beaux hommes, comme il n'y en a pas chez soi. Et pour danser la pourrée auvergnate, elle se tortillait comme un asticot, se trémoussant avec des airs de chatte, comme si elle dansait le pandango. Et on aborde le dernier quart d'heure de cette émission avec, je l'ai dit tout à l'heure, avec nous, c'est la fête aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est toujours la fête sur Radio Arc-en-Ciel. 15h17 à 15h30, je vous laisse en compagnie de RDP en direct du Portugal. Et on se retrouve demain, bien sûr, à partir de 14h. Voici donc Daniel Roger. Il faut aimer aller danser. Et le tango, la valse sous la java. Et le meringue. Et on reconnaît bien sûr la voix de la chanteuse. De la peur, de l'âge que l'on a. Habituel. Il faut pas s'occuper de ça. Linda Gansis. Et il n'est pas question d'argent. Monsieur, vous êtes pour, il faut faire un effort. La vie, c'est tous les jours. avez tout compris, c'est la fête aujourd'hui. On ne regarde que vous, vous faites des jaloux. Séduire, c'est très facile, il n'y a rien à dire. La gaieté, c'est toujours une chance pour l'amour. Pour avoir la forme et la santé, il faut aimer à aller danser. Elle tango, la valse ou la java, et le meringue et la samba. Peu importe l'âge que l'on a, il ne faut pas s'occuper de ça. Le bonheur se prend en passant, et il n'est pas question d'argent. Pour avoir la forme et la santé, il faut t'aimer. Le rock'n'roll ou le mambo, peu importe l'âge que l'on a, il ne faut pas s'occuper de ça. Le bonheur se prend en passant, et il n'est pas question d'argent. Elle est italienne, elle m'a envoûté. dans les rues de Rome. J'aime me promener, je vais du forum jusqu'au Colisée, le long des ruelles rouges et arrondies. Je vois les églises et les vieux palais, les sept collines sous mes dahlias. Mes amis, ne soyez pas trop tristes. Si j'ai trouvé le pays où l'on aime la douceur de vivre, l'amour et la poésie, à Florence, à Venise, à Rome, à Napoli, sur une terrasse, on boit les cafés, des marchands de glace se mettent à crier, la Piazza Navona est tout agitée, et sur leur piazza, les garçons sont beaux. Voilà, il est 15h25 à la pendule de Radio Arc-en-Ciel. L'émission se termine dans 5 minutes, direction le satellite de RDP au Portugal. On se retrouve demain à partir de 14h, donc pour cocktail coloré et accordéon, chansons, surtout chansons bien sûr. C'est le jour, le lundi, réservé pour ça. Je rappelle les horaires, dimanche 13h, dimanche 13h, 15h30, je dis bien, et lundi donc 14h, 16h. J'espère que le programme vous a plu aujourd'hui, comme d'habitude, j'espère. Et encore une fois, bonne semaine à tous et à toutes, et puis ceux qui travaillent, bon courage. Je crois qu'en ce moment, on en a besoin. Voilà. A bientôt. J'ai perdu la terre pour ses yeux si doux. Et sous sa fenêtre, je lui habitonnais une sérénade que j'ai composée. Une tarentelle que je viens de chanter. Ti adoro, ti adoro. Adoro with two mani. Ti adoro, ti adoro. Adoro with two yogi. Ti adoro, ti adoro. Ma ancora di più. Je ne vous dis pas au revoir, mais à bientôt, mais à bientôt. Si nous nous quittons ce soir, un peu trop tôt, un peu trop tôt. Il y aura d'autres musiques, d'autres bals, d'autres soirs de gala. On aura des nuits magiques, des bons jours et des bons soirs. Je ne vous dis pas au revoir, mais à bientôt, si nous nous quittons ce soir, un peu trop tôt, un peu trop tôt. Je ne vous dis pas au revoir, mais à bientôt, si nous nous quittons ce soir, un peu trop tôt, un peu trop tôt. Il y aura d'autres dimanches, d'autres joies, d'autres chansons d'amour, des javas et des nuits blanches, des départs et des retours.